Un poulet extraordinaire. Прослушайте текст и скажите, почему, на ваш взгляд, блюдо получилось безвкусным. Henri aime bien voyager. Alors, il cherche des cadeaux pour sa famille. Cette année, il est allé à Haïti. En revenant au Canada, il a passé 3 heures à la douane pendant que le douanier examinait ses achats. Pour son grand-père, il a acheté un chapeau de paille et une courge qui est le symbole d'autorité des prêtres vaudous. Pour son père, il a trouvé des sandales en caoutchouc et pour son frère, un tam-tam. Pour les filles, des poupées de paille et pour les garçons, de petites flûtes de bambou. Pour sa mère, un joli perroquet qui parlait plusieurs langues. Rentré chez lui, Henri a vite distribué les cadeaux. Puis il est sorti pour se faire couper les cheveux. Le soir, sa maman a préparé un excellent dîner pour fêter son retour. Le plat de résistance était un coq au vin. « Est-ce que l'oiseau te plaît, maman ?» a demandé Henri. Il parlait du cadeau qu'il avait donné à sa mère le matin. La mère, qui pensait à son coq au vin, a dit « Je crois qu'il n'a pas beaucoup de goût, mon chéri. Je ne veux pas dire le poulet, maman. Je parle de ton cadeau, le perroquet que je t'ai donné aujourd'hui. » « Le perroquet ?» a répondu sa mère. « J'ai cru que c'était un poulet et j'ai donc préparé ce coq au vin. »« Comment ? Tu as fait cuire ce perroquet ?»« Cet oiseau était un perroquet très intelligent. Il parlait 7 langues étrangères. »« S'il parlait tant de langues, a-t-elle dit, pourquoi ne m'a-t-il rien dit quand je l'ai mis dans la marmite ? »